Bonjour François Morel. Bonjour Patrick et bonjour Philippe. Ça fait donc presque un an que vous avez quitté la direction de France Inter. Je pense qu'il n'est pas inutile de vous donner quelques petites nouvelles fraîches de la chaîne. Bon, en gros, tout va bien. L'ambiance est super bonne. Tout le monde est content. Laurence Bloch, finalement, a gardé le même coiffeur, magnatiste toujours. Bon, comme c'est pas donné qu'il faut quand même faire des économies, elle demande toujours qu'un petit stagiaire s'occupe d'elle. Comme ça, en général, ils lui font une ristourne. La dernière fois, c'est Kevin qui lui a fait le brushing. Le résultat, vous pouvez le découvrir par vous-même. Enfin, si vous réussissez à la voir, parce que depuis, elle est claquemurée dans son bureau. Certains pensaient que c'était pour ne pas croiser les syndicalistes de Sud Radio, mais non, c'est à cause de sa coiffure. Cette fois-ci, Magnatis a été sympa. Au moment de payer, c'est lui qui lui a donné un peu d'argent. Voilà, remarquez, c'est peut-être avec des petits gestes comme ceux-là qu'on pourra assainir les finances de Radio France. Kevin, lui, a bien sympathisé avec notre directrice. Vu qu'il est spécialiste en balayage, il a été recruté à la direction des ressources humaines de France Inter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a conservé pas mal de choses que vous aviez mis en place pendant votre passage à France Inter. Enfin, essentiellement le meilleur, notamment moi. On a aussi recruté des nouvelles têtes. Bon, il fallait bien se renouveler un peu. François Rollin. Bon, vous avez sûrement été au courant de cette affaire qui a un petit peu mis le feu aux poudres. Madame Lelay, son congélateur. François a réagi avec son tempérament. Personnellement, je ne lui en tiens pas rigueur. D'autant que lorsqu'on voit le brushing de Laurence Bloch, on se dit qu'il y a quand même des problèmes plus graves à traiter à Radio France. Sinon, vous avez dû lire dans les journaux, Monsieur Gallet a changé sa moquette. Il faut dire qu'elle en avait bien besoin. Elle n'avait pas été remplacée depuis au moins 3 mois. Une bonne moquette, c'est important. D'ailleurs, Monsieur Gallet a décidé de licencier son conseiller en image pour engager un conseiller en moquette. À ce propos, Mondial Moquette a décidé d'être partenaire pour ma chronique. En effet, chaque producteur, chaque animateur, chaque chroniqueur aura désormais l'obligation de trouver un sponsor qui prendra en charge ses émoluments. En ce qui me concerne, je ne vous cache pas que ça bataille dure en ce moment entre Mondial Moquette et le pâté ENAF, qui m'a déjà envoyé une belle boîte de pâté pour laquelle je le remercie très sincèrement. Voilà. La balle est désormais dans le camp de Mondial Moquette. François Morel, merci beaucoup François pour ces nouvelles fraîches de France Inter.